L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Dorothée Mugnanesa, vous êtes chorégraphe, chanteuse, auteur, danseuse, je serais tenté de dire une artiste complète, vous nous le direz au cours de cette interview. Il sera question d'un spectacle, d'une création qui a été faite et présentée au Festival d'Avignon 2017, c'est bien ça? C'est bien ça. Unwanted? Oui, tout à fait. Je l'ai dit dans mon franglais habituel, vous allez peut-être le dire de manière plus convenable? Non, mais c'est très bien, Unwanted. C'est très bien. Si je fais une traduction rapide, on est dans un sujet où il est question d'indésirable. Tout à fait. Où il est question de violence, de viol, d'invasion dans le corps physique de la femme, mais aussi de la violence du corps social, philosophique, psychologique d'une société. Où il est question d'enfants nés de viol, donc d'enfants non désirés. Vous vous êtes saisi, en tout cas, si on vous reconnaît aussi aujourd'hui, on va dire un axe de travail sur le plan artistique qui vous occupe bien depuis ces dernières années, celle de créer des œuvres pour faire entendre le silence des voix rendues muettes par les violences, les violences de l'histoire. Et l'histoire avec un grand H, et en particulier l'histoire d'un petit pays qui s'appelle le Rwanda, et le génocide dont on a tous encore un certain nombre de faits en mémoire. Mais ce spectacle, c'est une contribution justement à réveiller peut-être les mémoires? À les réveiller, mais aussi à les convoquer, à les faire entendre, parce que il est vrai que dans mon pays, le génocide des Tutsis a eu lieu il y a presque maintenant 24 ans, on est entré dans la 24e année de commémoration. Et longtemps, on n'a pas pu en parler, ou on n'en parlait que en petits groupes, ou de manière plutôt silencieuse et à voix basse, et de manière, la voix moi que je me suis... que j'ai prise plutôt, que j'ai saisie, c'est celle qui est artistique, de pouvoir témoigner, de pouvoir effectivement me remémorer de ces moments qu'on a vécu en 94 et que d'autres gens aussi ont vécu, et de voir comment est-ce que nos mémoires collectives se rejoignent, que ce soit des gens d'origine rwandaise ou des étrangers qui l'ont vécu de loin ou de près, ou qui n'étaient même pas nés, mais comment est-ce qu'on peut revenir sur des faits, revenir sur des histoires particulières qui rejoignent aussi la mémoire collective, ou que l'on soit, et la convoquer sur un plateau de manière artistique, par le texte, par la voix, par la musique, par le corps, parce que le corps est aussi un champ en soi, un champ de mémoire, un lieu de mémoire, de commémoration. Ces faits, cette histoire, cette tragédie humaine, cette cruauté ou cette série de cruautés qui se sont produites à ce moment-là, eh bien, on a beaucoup écrit depuis, on a beaucoup, la parole s'est libérée, y compris justement par la voix des artistes, vous-même, mais également on a tous en tête, et nous sur notre antenne, en particulier à la radio, les chansons et les témoignages de Corneille, artiste qui est né d'un père Tutsi et d'une mère Hutu et qui a assisté à la mort de sa famille, assassinée justement à l'occasion de ces événements. On pense plus proche encore à Gaël Faye sur le récit poignant qu'il en a fait de son petit pays. D'ailleurs, un roman où son héros, un enfant de Bujumbura, est âgé de 10 ans en 1992. Année où vous êtes partie de ce pays avec votre famille? Non, je ne suis pas partie en 92, de mon pays. Moi, je suis partie du Rwanda à l'été 94. Donc, c'était à la fin du génocide des Tutsis en avril 94, qui a commencé en avril 94 jusqu'en juillet 94. Et nous sommes allés en Angleterre parce que ma mère y travaillait à l'époque, depuis fin 93, Et donc mes parents avaient en amont décidé qu'on allait déménager en Angleterre pour rejoindre notre mère, ma mère. Et malheureusement, il y a eu ce génocide des Tutsis qui a duré donc ces mois, ces 100 jours, comme on le dit souvent. Et on avait perdu contact avec ma mère et heureusement on a survécu et elle nous a retrouvés après, donc à l'été en 94. Mmh. Et nous avons pu partir avec elle donc pour déménager en Angleterre. Et j'aime bien expliquer cette histoire parce que souvent on a pu confondre les situations et croire qu'on a fui le pays ou qu'on est parti en tant que réfugié ou exilé. Mmh. Mais en fait, ce n'est rien de tout cela. On est parti parce que mes parents y avaient pensé, l'avaient planifié aussi par rapport au travail de ma mère qui était dans une ONG basée à Londres. Et le fait de qu'on ait pu survivre nous a aidé ou a aidé à notre départ jusqu'en Europe où nous vivons depuis. Et maintenant, après avoir passé 14 ans en Angleterre, je suis venue vivre en France et me voilà maintenant à Marseille depuis. Merci de préciser cela, en effet, c'est utile. 2014, vous faites une première création, autour de ces événements, au moment où se sont produits même ces événements, le basculement tragique que cela a conduit. Mmh. Oui, cette pièce, est née d'une envie de commémorer, d'une envie de me rappeler, d'une envie de me souvenir de toutes ces personnes qui ne sont plus, que ce soit des membres de la famille ou des amis très proches ou des inconnus. J'avais besoin par cet acte artistique, de revenir sur des noms, de revenir sur une enfance, de revenir sur cette enfance qui fut belle malgré tout, jusqu'à ce que tout bascule justement dans l'horreur. Le 6 avril 1994. Et 2014, pour moi, c'était les 20 ans donc de commémoration, les 20 ans après, où j'avais enfin la possibilité ou la capacité d'ouvrir certains tiroirs et de voir ce qui était enfui depuis 20 ans, où j'avais trouvé les mots pour l'exprimer. Parce que c'est parti d'un texte, tout d'abord, vraiment d'un texte que j'écris pendant quelques années pour trouver les mots justes, la distance qu'il fallait pour pouvoir témoigner à travers le corps, la danse, la musique et le texte. Et il est vrai que je l'ai nommé Samedi Détente, qui était une émission radiophonique qu'on écoutait à l'époque quand j'étais encore enfant, avec mes frères et sœurs ou mes voisins et mes amis. Et c'était chaque samedi donc, parce que c'est Samedi Détente. Et il y avait des musiques venues de tous les pays occidentaux, mais aussi pas loin, comme en Exaïre, donc l'actuelle République démocratique du Congo. Et on se remémorait donc chaque lundi avec mes amis des musiques qu'on avait entendues le week-end précédent. Et à chaque fois, on mettait en scène des morceaux qu'on avait entendus et la plupart de ces amis-là ou la plupart de ces personnes avec qui on écoutait ces morceaux sont morts pendant le génocide des Tutsis en 94. Et donc pour moi, j'avais besoin de me rappeler donc de cette enfance, de cette insouciance, de ces temps avant le génocide des Tutsis en 94. Et 20 ans plus tard, donc j'avais à l'époque donc 32 ans et 20 ans plus tard j'étais devenue une jeune mère, j'avais vécu beaucoup de choses en tant qu'artiste et en tant qu'être humain, et donc comment est-ce que me remémorer de tout cela. Et cette pièce donc j'avais appelée Samedi Détente en hommage à ces temps précédents et à cette mémoire partagée. Alors évidemment, avec fort de cette expérience et de cette première création, Cette histoire, eh bien, elle est toujours présente, mais là, cette fois-ci, dans cette nouvelle création, vous rendez hommage aux milliers de femmes dont les corps sont devenus champs de bataille. On parle de ce génocide, évidemment, mais au-delà et au-dessus de cela, peut-être, il est question, parce que le sujet reste toujours à la fois réel dans d'autres régions du monde, il est question des violences faites aux femmes également. Absolument, absolument. En fait, après cette parole autobiographique qui était samedi détente, parce qu'on tourne toujours la pièce, je me suis posé la question de quelles sont les autres, quelle autre voix puis-je porter, quelle autre mémoire, quelle autre mémoire corporelle je peux raconter. Et il est vrai que j'ai été conseillée de regarder quelques documentaires, dont un qui s'appelle L'homme qui répare les femmes, sur le docteur Denis Mukwege. En RDC, justement. Oui, tout à fait, et qui a voué sa vie, qui voue sa vie à opérer donc les corps mutilés des femmes violées au Congo. Et en zone de conflit au Congo, et j'avais... Voilà, je commençais à me dire comment parler de ce corps-là, comment parler de ces femmes-là, non seulement ces femmes congolaises, mais aussi j'ai continué à faire mes recherches qui m'ont emmené vers un autre documentaire qui s'appelle Rwanda, la vie après, Parole de mère de Benoît Dervaux et André Versailles, qui m'a emmené aussi vers un autre documentaire qui s'appelle Mauvais souvenir, de Marine Courtade et Christophe Bucher. Et pour moi, c'était un trio de documentaires qui donnent à entendre des paroles de femmes, donc, tout d'abord, qui ont été victimes de viols en temps de conflit, en zone de conflit, en temps de génocide, et aussi aux enfants nés de ces viols-là. D'ailleurs, mauvais souvenir, on entend principalement des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont nés juste après le génocide de 94 et qui parlent de ce que c'est d'être enfant de victimes et de bourreaux. Oui. Et cette question-là, du coup, a commencé à trouver son chemin dans ces voix-là que je voulais maintenant porter ou donner à entendre sur le plateau. Et ce documentaire m'a emmené vers un autre film qui s'appelait Les femmes de Visegrad, qui est pour le coup un magnifique, enfin lui aussi c'est un poignant témoignage de femmes bosniaques qui avaient été violées pendant la guerre. Je commençais à être face à un nombre de témoignages, à une montagne de témoignages. De femmes partout dans le monde et aujourd'hui en Syrie. C'est terrible ce qui se passe, les viols perpétrés par le régime d'Al-Assad. Enfin, c'est voilà. Et tous ces témoignages donc ont nourri, disons, ou nous ont accompagnés durant toute la création de la pièce de Unwanted. Et c'est comme ça que voilà, j'ai compris que c'était cette voix-là, c'était cette mémoire-là, ce sont ces voix-là que j'avais envie de porter, ou ce temps, ou de créer un temps d'écouter, d'entendre certains de ces témoignages. Et pour moi, j'ai zoomé, disons, si je puis utiliser cette expression, j'ai zoomé sur l'exemple des femmes rescapées tutsies du Rwanda, qui avaient été violées pendant le génocide, et pour parler non seulement d'elles, mais pour parler aussi de toutes ces autres femmes dont il est question encore aujourd'hui. Oui, parce que les faits, les viols avérés, toutes ces cruautés, ces horreurs, bien, ont conduit aussi, elles ont eu des conséquences pour la suite, pour celles qui vivent encore aujourd'hui, pour les enfants qui sont nés de ces actes. Oui. De viol comme arme de guerre, il est utile. Oui. Un spectacle aussi où il est question du pouvoir de la résilience. Alors, en même temps, vous évoquiez des documentaires, des références. Ce n'est pas pour autant un spectacle documentaire. Non, non, non. J'avais besoin... Parce qu'en fait, pendant toutes ces recherches-là, il m'était indispensable d'aller rencontrer certaines de ces femmes. Donc, je me suis rendue au Rwanda. Et juste avant de les rencontrer, j'appréhendais un peu nos moments passés ensemble parce que j'avais peur qu'elles ne me parlent pas ou qu'elles ne partagent pas ce qu'elles ont vécu. Parce que c'est ça qui m'importait, de pouvoir les toucher, de pouvoir les contempler, regarder leurs gestes, comment elles se meuvent dans l'espace, comment elles s'assoient, comment elles pleurent, comment elles chantent, comment elles dansent. Parce que c'était ce vocabulaire-là ou ces moments partagés avec elles qui allaient à leur tour faire leur chemin en moi et en mes collaborateurs. Holland Andrews, qui est une chanteuse musicienne américaine que j'ai rencontrée en 2016 à Portland aux États-Unis, et puis Alain Maillé, mon autre collaborateur, musicien, improvisateur, compositeur, qui lui aussi allait apporter sa création, disons, ou sa manière de faire pour composer ensemble ce trio qui témoigne et qui raconte. Et c'est vrai que pour moi, il ne s'agit pas d'un travail documentaire, il s'agit d'une œuvre multiple. Comme vous l'avez dit tout au début de notre échange, c'est une œuvre que je ne qualifie pas comme tout simplement une œuvre chorégraphique ou une œuvre musicale. C'est une œuvre multidisciplinaire. Absolument. Et aussi qui fait appel à plusieurs voix. C'est une œuvre chorale. C'est une œuvre justement de toutes ces voix, d'une partie de ces voix, de femmes, de ces femmes mondes, de cette femme monde qui faut qu'on entende, de cette dignité-là, de cette féminité-là, de cette humanité-là. Parce que je voulais aborder la question de la violence extrême. Je savais qu'elle allait avoir lieu, cette violence, il fallait en parler, mais aussi j'avais besoin de parler de féminité-là, de la féminité de l'humanité bafouée, violentée, violée, malmenée, maltraitée, mais aussi de trouver la voie où elle refuse de se courber, où elle cherche par tous les moyens possibles qui leur sont possibles de se redresser. Est-ce possible de se redresser? Est-ce possible de se tenir debout malgré tout? Et quelle est cette femme debout au final? Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il y a une œuvre sur le plateau qui est pour moi là aussi le symbole de cette femme debout. Un totem, c'est ça? C'est ce totem qui donne à voir l'œuvre de Bruce Clark, qui est un artiste plasticien avec qui j'ai collaboré et que j'admire énormément parce que dans tout son œuvre, tout son travail, il peint des êtres humains qui déploient leur corps vers une certaine verticalité, même si parfois on peut les voir horizontaux ou de manière horizontale, mais il y a tout de même la colonne vertébrale qui se déploie, qui se redresse. Et pour moi, ces femmes que j'ai rencontrées, que j'ai entendues ou dont j'ai lu les témoignages, j'essaie de trouver l'endroit où elles se dressent, où elles se tiennent debout. Et moi, aujourd'hui, je me demande comment est-ce qu'on peut se tenir debout, comment est-ce qu'on peut continuer chaque jour à trouver cette beauté, cette humanité. Alors évidemment, tout cela, ça nécessite, on va dire, une approche particulière pour ne pas tomber non plus dans l'excès, quoique quand on parle d'horreur et de cruauté comme les sujets qu'on vient d'évoquer, c'est difficile. On ne peut pas minimiser non plus, mais il ne faut pas tomber non plus dans le pathos, dans l'exagération. Tout à fait. Parce que de toute façon, on ne peut pas... On ne peut que s'approcher de l'horreur. Parce que ce que ces femmes ont vécu, ce que ces enfants eux-mêmes vivent aujourd'hui, que ce soit le rejet de dans la société ou des membres de leur famille, quand on lit des exemples d'enfants nés de viol au Rwanda ou au Congo ou en Syrie aujourd'hui, c'est toujours la même violence qu'ils subissent, parce que c'est le même rejet, la même violence dans l'enfance, mais aussi dans la recherche de leur vie, dans la vie adulte ou vers une vie adulte. Et donc, de toute façon, il y a une violence qui est évidente, qui était évidente et que je savais qu'il allait qui allait apparaître dans la pièce, mais je savais aussi qu'elle ne pourrait s'approcher de ce que ces femmes et ces enfants vivent ou ont vécu. Par contre, dans la création elle-même, j'avais aussi besoin d'un certain lyrisme, de trouver une manière lyrique de raconter cette violence et de raconter cette humanité. Et d'ailleurs, pendant que j'écrivais la note d'intention, j'écoutais beaucoup l'œuvre de la symphonie numéro 3 d'Henryk Górecki. Mmh. Et j'aimais beaucoup comment il mélangeait cette soprane et l'orchestre et cette symphonie, cette voix symphonique. Et ces différentes voix symphoniques, cette voix féminine qui chantait avec tout cet ensemble, cette symphonie, et qui planait au-dessus et qui parfois plongeait, sombrait dans les ténèbres pour en renaître au-dessus, planer au-dessus encore, seul. Et pour moi, dans Unwanted, et c'est pourquoi j'avais d'ailleurs envie de collaborer avec Roland Andrews, c'est parce qu'elle avait aussi cette capacité, elle a cette capacité à elle de créer une multitude de voix féminines, un cœur féminin, et en même temps de créer un tourbillon avec ses, parce qu'elle a un système de boucles, de pédales, elle crée des boucles avec sa voix, et de créer un tourbillon, un cyclone vocal, et en même temps, à l'intérieur même de ce cyclone, elle émane cette voix lyrique qu'elle a, et qui sort de cette violence, qui plane au-dessus de cette violence, même si elle naît, elle trouve sa naissance même dans cette violence. Mmh. Et pareil avec Alain Maillet, qui, voilà, avec ses machines, son ordinateur, les cailloux, tout un ensemble d'objets ensemble pour créer cette, voilà, à la fois cette violence, ce côté très poétique, très beau et lyrique, malgré tout. Et parce que, mine de rien, j'aime bien raconter cette histoire, quand j'étais au Rwanda, je pleurais beaucoup avec ces femmes qui me racontaient donc ce qu'elles avaient vécu, ces violences qu'elles avaient subies. Et au moment où on allait se séparer, je leur demandais si je pouvais les photographier pour avoir une image, emporter avec moi une image d'elles, non seulement leur voix, mais aussi un moment de nos échanges. Et elles s'éclipsaient pendant quelques instants, et ils revenaient vêtus de leur plus bel habit. Et je trouvais, j'étais très émue à ce moment-là, parce que elle me disait, nous venons de t'offrir nos souvenirs les plus sombres, nos mémoires les plus sombres, mais nous voulons que tu emportes avec toi notre plus belle image. Et cette cohabitation-là, qui était importante pour moi dans Unwanted, de trouver l'endroit où on s'approche, où on peut partir dans la violence, on peut se permettre d'aller dans cette violence, vers cette violence, vers cette douleur, cette immense douleur, et de trouver aussi des endroits où il est nécessaire même, il est primordial de trouver la beauté, de trouver la poésie, de trouver la dignité aussi. La dignité. Alors oui, c'est un spectacle qu'il va falloir découvrir au mois de février à l'affiche de l'Apostrophe dans le cadre d'Escaldance en Val d'Oise. Il y aura d'ailleurs d'autres dates de représentation dans le Val d'Oise. En ce qui concerne l'Apostrophe, c'est à Cergy-Pontoise. Ça se déroulera précisément au Théâtre 95, salle Visconti, le mardi 6 février et le mercredi 7 février à 20h30. La soirée, la première soirée, c'est à l'issue de la représentation, il y aura une rencontre avec l'équipe artistique, l'occasion eh bien, de dialoguer, c'est d'échanger avec le public qui va découvrir votre création. Oui. J'ai encore une dernière question. On a parlé de cette violence. Il est question aussi, d'ailleurs, je crois savoir qu'il y a certains enregistrements qui sont restitués à l'occasion du spectacle pour faire entendre ces voix chorales, l'expression également de la colère, mais aussi, vous l'avez plus ou moins dit, de la résistance, car quand on parle effectivement de ces violences faites aux femmes, c'est pas simplement constater des faits d'histoire, mais c'est de rappeler aussi que cette histoire, autrement, se poursuit dans d'autres pays. On parlait de la RDC tout à l'heure, la République démocratique du Congo, sur RGB, on en parle assez souvent. On a des témoignages réguliers de cette région du monde où le viol comme arme de guerre est encore une réalité, hélas. Juste, vous avez dit, et je crois que le spectacle que vous nous proposez, cette création, correspond un petit peu à un titre que j'ai lu dans la presse qui vous convient bien, me semble-t-il, « La parole est à la danse ». C'est vraiment ce qui va aussi être l'idée de ces deux représentations à Cergy-Pontoise. Et dernière chose, rôle de l'artiste, il me semble primordial de rappeler des propos que vous avez donnés à l'occasion de certaines interviews. Vous avez dit la chose suivante, « Je crois que l'artiste est là pour réparer ce qui a été brisé ». La fonction essentielle d'un artiste et d'une démarche artistique se traduit avec ces mots. Oui, c'est en fait une phrase que j'emprunte souvent à une grande amie sud-africaine qui s'appelle Tlengiwe Madlala Lushaba, que j'avais rencontrée lors d'une pièce qu'on avait créée ensemble avec Alain Buffard qui s'appelle Baron Samedi. Et effectivement, elle avait dit cela. Elle avait dit en tant qu'artiste, notre travail, notre œuvre est de réparer ce qui a été brisé. Et parfois, j'y crois profondément et parfois je me dis, est-ce possible, vraiment? Mais au fond, je pense que on peut tenter de le. On tente à chaque création, à chaque manière de créer, que ce soit dans une œuvre éphémère comme une performance ou une œuvre qui perdure plus longtemps, comment est-ce que en collaborant, en créant, en communiant avec d'autres artistes, mais aussi avec le public, on arrive d'une certaine manière à réparer, oui. Merci mille fois, Dorothée Mounia-Mézars, d'avoir présenté ce spectacle. Spectacle Unwanted, qui sera présenté, je le rappelle, les 6 et 7 février à l'Apostrophe, à Cergy-Pontoise, au Théâtre 95, salle Visconti. Mille merci de cet échange et j'ai grande impatience de découvrir votre création. Avec plaisir, à bientôt. Merci.